L'histoire du bon petit garçon, Mark Twain, dans Esquisses anciennes et nouvelles. Il y avait une fois un bon petit garçon du nom de Jacob Blivens. Il obéissait toujours à ses parents, quelque absurde et déraisonnable que fussent leurs ordres. Il apprenait exactement ses leçons et n'était jamais en retard à l'école du dimanche. Il ne voulait pas jouer au croquet, même aux heures où son jugement austère lui disait que c'était l'occupation la plus convenable. C'était un enfant si étrange qu'aucun des autres petits garçons ne pouvait l'entraîner. Il ne mentait jamais, quelque utilité qu'il y eût. Il disait simplement que le mensonge était un péché, et cela suffisait. Enfin, il était si honnête qu'il en devenait absolument ridicule. Ses bizarres façons d'agir dépassaient tout. Il ne jouait pas aux billes le dimanche, il ne cherchait pas des nids, il ne donnait pas des sous rougis au feu aux singes des joueurs d'orgue. Il ne semblait prendre intérêt à aucune espèce d'amusement raisonnable. Les autres garçons essayaient de se rendre compte de son naturel et d'arriver à le comprendre, mais ils ne pouvaient parvenir à aucune conclusion satisfaisante. Comme j'ai déjà dit, il se faisait seulement une sorte de vague idée qu'il avait été frappé. Aussi l'avait-il pris sous leur protection et ne permettait pas qu'on lui fît du mal. Le bon petit garçon lisait tous les livres de l'école du dimanche. C'était son plus grand plaisir. Ce qu'il croyait fermement à la réalité de toutes les histoires qu'on lui racontait sur les bons petits garçons. Il avait une confiance absolue dans ses récits. Il désirait vivement rencontrer l'un de ses enfants, quelques jours, en chair et en os, mais il n'eut jamais ce bonheur. Peut-être que tout s'était mort avant sa naissance. Chaque fois qu'il lisait l'histoire d'un garçon particulièrement remarquable, il tournait vite les pages pour savoir ce qu'il était advenu de lui. Il aurait volontiers couru des milliers de kilomètres pour le rencontrer. Mais inutile. Le bon petit garçon mourait toujours au dernier chapitre. Il y avait une description de ses funérailles, avec tous ses parents et les enfants de l'école du dimanche, debout autour de la tombe, en pantalon trop court et en casquette trop large, et tout le monde sanglotant dans des mouchoirs qui avaient au moins 1,5 mètre d'étoffe. Ainsi, le bon petit garçon était toujours désappointé. Il ne pouvait jamais songer à avoir un de ces jeunes héros, car ils étaient tous morts en arrivant au dernier chapitre. Jacob, cependant, avait la noble ambition d'être mis un jour dans des livres. Il souhaitait que l'on vît, avec des dessins qui le représenteraient, refusant glorieusement de faire un mensonge à sa mère, qui pleurait de joie. D'autres gravures l'auraient montré debout sur le seuil de la porte, donnant dessous à une pauvre mendiante, mère de 6 enfants. Et lui recommandant de les dépenser librement, mais sans profusion, car la profusion est un péché. Et ailleurs, on l'aurait vu, refusant généreusement de dénoncer le méchant gars qui l'attendait chaque jour au coin de la rue, à son retour de l'école, et lui donnait sur la tête des coups de bâton, et le poursuivait jusqu'à sa maison en criant « Hi, hi !» derrière lui. Telle était l'ambition du jeune Jacob Blivens. Il souhaitait de passer dans un livre de l'école du dimanche. Quelque chose seulement lui faisait éprouver une impression manquant de confortable. Il songeait que tous les bons petits garçons mouraient à la fin du livre. Sachez qu'il aimait à vivre, et c'était là le trait le plus désagréable dans la peinture d'un bon garçon des livres de l'école du dimanche. Il voyait qu'il n'était pas sain d'être sain. Il se rendait compte qu'il était moins fâcheux d'être phtisique que de faire preuve de sagesse surnaturelle comme les petits garçons des livres. Aucun d'eux, remarquait-il, n'avait pu soutenir longtemps son personnage, et Jacob s'attristait de penser que si on le mettait dans un livre, il ne le verrait jamais. Si même on éditait le livre avant qu'il mourût, l'ouvrage ne serait pas populaire, manquant du récit de ses funérailles à la fin. Ce n'était pas grand-chose qu'un livre de l'école du dimanche, où ne se trouvaient pas les conseils donnés par lui mourant à la communauté. Ainsi, pour conclure, il devait se résoudre à faire le mieux, suivant les circonstances, vivre honnêtement, durer le plus possible, et tenir prêt son discours suprême pour le jour. Cependant, rien ne réussissait à ce bon petit garçon. Rien ne lui arrivait jamais comme au bon petit garçon des livres. Cela avait toujours de la chance, et les méchants garçons se cassaient les jambes. Mais dans son cas, il devait y avoir une vis qui manquait au mécanisme, et tout allait de travers. Comme il trouva Jim Blake en train de voler des pommes, et qu'il vint sous l'arbre pour lui lire l'histoire du méchant petit garçon qui tomba de l'arbre du voisin et se cassa le bras, Jim tomba de l'arbre lui aussi. Mais il tomba sur Jacob et lui cassa le bras, et lui-même n'eut rien. Jacob ne put comprendre. Il n'y avait rien de semblable dans les livres. Et un jour que les méchants garçons poussaient un aveugle dans la boue, et que Jacob courut pour le secourir et recevoir ses bénédictions, l'aveugle ne lui donna aucune bénédiction, mais lui tapa sur la tête avec son bâton et dit « Que je vous y prenne encore à me pousser et à venir ensuite à mon aide ironiquement. » Cela ne s'accordait avec aucune histoire des livres. Jacob les examina tous pour voir. Un rêve de Jacob était de trouver un chien estropié et abandonné, affamé et persécuté, et de l'emmener chez lui pour le choyer et mériter son impérissable reconnaissance. À la fin, il en trouva un et fut heureux. Il le prit à la maison et le nourrit. Mais quand il se mit à le caresser, le chien sauta après lui et lui déchira tous ses vêtements, excepté sur le devant, ce qui fit de lui un spectacle surprenant. Il examina ses auteurs, mais ne put trouver d'explication. C'était la même race de chien que dans les livres, mais se comportant très différemment. Quoi que fît ce garçon, tout tournait mal. Les actions mêmes qui valaient au petit garçon des histoires, des éloges et des récompenses devenaient pour lui l'occasion des plus désavantageux accidents. Un dimanche, sur la route de l'école, il vit quelques méchants gars partir pour une promenade en bateau. Il fut consterné, car il savait par ses lectures que les garçons qui vont en bateau le dimanche sont infailliblement noyés. Aussi courut-il sur un radeau pour les avertir. Mais un tronc d'arbre à la dérive fit chavirer le radeau, qui plongea, et Jacob avec lui. On le repêcha aussitôt, et le docteur pompa l'eau de son estomac et rétablit sa respiration avec un soufflet, mais il avait pris froid et fut au lit 9 semaines. Ce qu'il y eut de plus incroyable fut que les méchants garçons du bateau eurent un temps superbe tout le jour et rentrèrent chez eux sains et saufs de la plus surprenante façon. Jacob Blivens dit qu'il n'y avait rien de semblable dans ses livres. Il était tout stupéfait. Une fois rétabli, il fut un peu découragé, mais se résolut néanmoins à continuer ses expériences. Alors, il est vrai, les événements n'étaient pas de nature à être mis dans les livres, mais ils n'avaient pas encore atteint le terme fixé pour la fin de la vie des bons petits garçons. Il espérait trouver l'occasion de se distinguer en persévérant jusqu'au bout. Si tout venait à échouer, il avait son discours mortuaire en dernière ressource, prêt. Il examina les auteurs et vit que c'était le moment de partir en mer, comme mousse. Il alla trouver un capitaine et fit sa demande. Quand le capitaine lui demanda ses certificats, il tira fièrement un traité où étaient écrits ces mots. À Jacob Blivens, son maître affectueux. Mais le capitaine était un homme grossier et vulgaire. « Que le diable vous emporte » cria-t-il. « Cela prouve-t-il que vous sachiez laver les assiettes ou porter un seau? J'ai comme idée que je n'ai pas besoin de vous. » Ce fut l'événement le plus extraordinaire de la vie de Jacob Blivens. Un compliment de maître sur un livre n'avait jamais manqué d'émouvoir les plus tendres émotions des capitaines et d'ouvrir l'accès à tous les emplois honorables et lucratifs dont il pouvait disposer. Cela n'avait jamais manqué dans aucun des livres qu'il eût lus. Il pouvait à peine en croire ses sens. Ce garçon n'eut jamais de chance. Rien ne lui arriva jamais en accord avec les autorités. Enfin, un jour qu'il était en chasse de méchants petits garçons à admonester, il en trouva une troupe dans la vieille fonderie qui avait trouvé quelque amusement à attacher ensemble 14 ou 15 chiens en longue file et à les orner de bidons vides de nitroglycérine solidement fixés à leur queue. Le cœur de Jacob fut touché. Il s'assit sur un bidon, car peu lui importait de se graisser quand son devoir était en jeu. Et prenant par le collier le premier chien, il attacha un œil de reproche sur le méchant Tom Jones. Mais juste à ce moment-là, l'alderman McWalter, tout en fureur, arriva. Un alderman est un magistrat anglais ou nord-américain. Tous les méchants garçons s'enfuirent, mais Jacob Blivens, fort de son innocence, se leva et commença un de ses pompeux discours, comme dans les livres, dont le premier mot est toujours « Oh, monsieur !» En contradiction flagrante avec ce fait que jamais garçon bon ou mauvais ne commence un discours par « Oh, monsieur !» Mais l'alderman n'attendit pas la suite. Il prit Jacob Blivens par l'oreille et le fit tourner, et le frappa vigoureusement sur le derrière avec le plat de la main. Et subitement, le bon petit garçon fit explosion à travers le toit et prit son essor vers le soleil, avec les fragments des 15 chiens pendus après lui, comme la queue d'un cerf-volant. Et il ne resta pas trace de l'alderman ou de la vieille fonderie sur la surface de la terre. Pour le jeune Jacob Blivens, il n'eut même pas la chance de pouvoir prononcer son discours mortuaire après avoir pris tant de peine à le préparer, à moins qu'il ne l'adressât aux oiseaux. Car, quoique le gros de son corps tombât tout droit au sommet d'un arbre dans une contrée voisine, le reste de lui fut dispersé sur le territoire de 4 communes à la ronde, et l'on dut faire 4 enquêtes pour le retrouver et savoir s'il était mort ou vivant, et comment l'accident s'était produit. On ne vit jamais un gars aussi dispersé. Ainsi périt le bon petit garçon, après avoir fait tous ses efforts, pour vivre selon les histoires, sans pouvoir y parvenir. Tous ceux qui vécurent comme lui prospèrent, excepté lui. Son cas est vraiment remarquable. Il est probable qu'on n'en pourra pas donner d'explication. Histoire du méchant petit garçon. Il y avait une fois un méchant petit garçon qui s'appelait Jim. Cependant, si l'on veut bien le remarquer, les méchants petits garçons s'appellent presque toujours James dans les livres de l'école du dimanche. C'était bizarre, mais l'on n'y peut rien. Celui-là s'appelait Jim. Il n'avait pas non plus une mère malade, une pauvre mère pieuse et poitrinaire, et qui eût souhaité mourir et se reposer dans la tombe, sans le grand amour qu'elle portait à son fils et la crainte qu'elle avait que le monde fût méchant et dur pour lui quand elle aurait disparu. Tous les méchants petits garçons dans les livres de l'école du dimanche s'appellent James et ont une mère malade qui leur enseigne à répéter « Maintenant, je vais m'en aller » et chante pour les endormir d'une voix douce et plaintive et les baise et leur souhaite bonne nuit et s'agenouille au pied du lit pour pleurer. Il en était autrement pour notre garçon. Il s'appelait Jim, et rien de semblable chez sa mère, ni phtisie, ni autre chose. Elle était plutôt corpulente et n'avait nulle piété. En outre, elle ne se tourmentait pas autre mesure au sujet de Jim. Elle avait coutume de dire que s'il se cassait le cou, ce ne serait pas une grande perte. Elle l'envoyait coucher d'une claque, ne l'embrassait jamais pour lui souhaiter bonne nuit. Au contraire, elle lui frottait les oreilles quand il la quittait pour dormir. Un jour, ce méchant petit garçon vola la clé de l'office, s'y glissa, mangea de la confiture, et remplit le vide du pot avec du goudron pour que sa mère ne soupçonnât rien. Mais à ce moment même, un terrible sentiment ne l'envahit pas. Quelque chose ne lui sembla pas murmurer. « Ai-je bien fait de désobéir à ma mère? N'est-ce pas un péché d'agir ainsi ? Où vont les méchants petits garçons qui mangent gloutonnement la confiture maternelle ?» Et alors, il ne se mit pas à genoux tout seul, et il ne fit pas la promesse de n'être plus jamais méchant. Il ne se releva pas, le cœur léger et heureux, pour aller trouver sa mère et tout lui raconter, et demander son pardon et recevoir sa bénédiction, elle ayant des pleurs de joie et de gratitude dans les yeux. Non. C'est ainsi que se comportent les autres méchants petits garçons dans les livres. Mais chose étrange, il en arriva autrement avec ce Jim. Il mangea la confiture et dit que c'était épatant dans son langage grossier et criminel. Et il versa le goudron dans le pot et dit que c'était aussi épatant et se mit à rire et observa que la vieille femme sauterait et renaclerait quand elle s'en apercevrait. et quand elle découvrit la chose, il affirma qu'il ignorait ce qu'il en était. Elle le fouetta avec sévérité. Il se chargea de l'accompagnement. Tout s'arrangeait autrement pour lui que pour les méchants James dans les histoires. Un autre jour, il grimpa sur le pommier du fermier à cornes pour voler des pommes. La branche ne cassa pas. Il ne tomba pas et ne se cassa pas le bras et ne fut pas mis en pièces par le gros chien du fermier pour languir de longues semaines sur un lit de douleur et se repentir et devenir bon. Oh non ! Il prit autant de pommes qu'il voulut et descendit sans encombre. Et d'ailleurs, il était paré pour le chien et le chassa avec une brique lorsqu'il s'avança pour le mordre. C'était bizarre. Rien de semblable jamais dans ces aimables petits livres à couverture marbrée où l'on voit des images qui représentent des messieurs en queue de pie et chapeaux hauts en forme de cloche, avec des pantalons trop courts et des dames ayant la taille sous les bras et sans crinoline. Rien de pareil dans les livres de l'école du dimanche. Il déroba une autre fois le canif du maître d'école et pour éviter d'être fouetté, il le glissa dans la casquette de George Wilson, le fils de la pauvre veuve Wilson, le jeune garçon moral, le bon petit garçon du village, qui toujours obéissait à sa mère et qui ne mentait jamais, et qui était amoureux de ses leçons et infatué de l'école du dimanche. Quand le canif tomba de la casquette et que le pauvre George baissa la tête et rougit comme surpris sur le fait, et que le maître en colère l'accusa, et était juste au moment de laisser tomber le fouet sur ses épaules tremblantes, on ne vit pas apparaître soudain l'attitude noble au milieu des écoliers, un improbable juge de paix à perruque blanche pour dire « Épargnez ce généreux enfant, voici le coupable et le lâche. Je passais par hasard sur la porte de l'école, et sans être vu, j'ai tout vu. » Et Jim ne fut pas harponné, et le vénérable juge ne prononça pas un sermon devant toute l'école émue jusqu'aux larmes, et ne prit pas George par la main pour déclarer qu'un tel enfant méritait qu'on lui rendît hommage, et ne lui dit pas de venir habiter chez lui, balayer le bureau, préparer le feu, faire les courses, fendre le bois, étudier les lois, aider la femme du juge dans ses travaux d'intérieur, avec la liberté de jouer tout le reste du temps, et la joie de gagner 10 sous par mois. Non. Les choses se seraient passées ainsi dans les livres. Mais ce ne fut pas ainsi pour Jim. Aucun vieil intrigant de juge ne tomba là pour tout déranger. Et l'écolier modèle, George, fut battu, et Jim fut heureux de cela, car Jim détestait les petits garçons moraux. Jim disait qu'il fallait mettre à bas ses poules mouillées. Tel était le grossier langage de ce méchant et mal élevé petit garçon. La plus étrange chose arriva à Jim, le jour qu'il était allé, un dimanche, faire une promenade en bateau. Il ne fut pas du tout noyé. Une autre fois, il fut surpris par l'orage pendant qu'il pêchait, toujours un dimanche, et ne fut pas foudroyé. Eh bien, vous pouvez consulter et consulter, d'un bout jusqu'à l'autre, et d'ici au prochain Christmas, tous les livres de l'école du dimanche, sans rencontrer chose pareille. Vous trouverez que les méchants garçons qui vont en bateau le dimanche sont invariablement noyés, et que tous les méchants garçons qui sont surpris par un orage en train de pêcher un dimanche sont infailliblement foudroyés. Les bateaux porteurs de méchants garçons le dimanche chavirent toujours, et l'orage éclate toujours quand les méchants petits garçons vont à la pêche ce jour-là. Comment Jim toujours échappa demeure pour moi un mystère. Il y avait dans les vies de Jim quelque chose de magique. C'est sans doute la raison. Rien ne pouvait lui nuire. Il donna même à un éléphant de la ménagerie un paquet de tabac au lieu de pain. Et l'éléphant, avec sa trompe, ne lui cassa pas la tête. Il alla fouiller dans l'armoire pour trouver la bouteille de peppermint et ne but pas par erreur du vitriol. Il déroba le fusil de son père et s'en alla chasser le jour du sabbat. Le fusil n'éclata pas en lui emportant 3 ou 4 doigts. Il donna à sa petite sœur un coup de poing sur la tempe, dans un accès de colère. Elle ne languit pas, malade, pendant tout un long été, pour mourir enfin avec, sur les lèvres, de douces paroles de pardon que redoublèrent l'angoisse dans le cœur brisé du criminel. Non, elle n'eut rien. Il s'échappa pour aller au bord de la mer et ne revint pas, se trouvant triste et solitaire au monde, tous ceux qu'il aimait endormis dans la paix du cimetière et la maison de son enfance avec la treille de vigne tombée en ruine et démolie. Pas du tout. Il revint chez lui aussi ivre qu'un tambour et fut conduit au poste à peine arrivé. Et il grandit et se maria et eut de nombreux enfants. Et il fendit la tête à tous une nuit à coups de hache et s'enrichit par toutes sortes de fourberies et de malhonnêtetés. À l'heure actuelle, c'est le plus infernal damné chenapan de son village natal. Il est universellement respecté et fait partie du Parlement. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.